fois je m'emporte, ne m'en veux pas. Trace ta route, y'a que sa famille, tous les jours je suis mal. Tu vois pas, j'ai envie de te dire qu'y a pas d'amis, ils m'ont tous déçu. Tu sais quoi, je leur ai tous mis une croix dessus, ainsi va la vie. Comment je les vois, un peu comme des anges déchus. Avant je les aimais, devant leur mère j'étais gêné. Je savais que c'était la merde, être sur cette avec que je traînais. On se parle plus, je suis peiné, mais c'est bon, j'ai assez donné. À croire qu'ils veulent qu'on se tire dessus, un peu comme Zépé et Béné. La thèse vend pleine grève, en vue on avait le Cayenne. Les autres étaient jaloux, les petits fous s'armaient fusils et mitraillettes. Petit charbon, je voyais les petits arriver à l'heure. Quand je l'aimais bien, je reste avec lui, ça a peut-être changé quand je disais à tout à l'heure. Tous les jours pareil, les chemises tombent, regarde travers mes icônes. Opération coup de poing, cache le shit, des potos vite court. Le quartier grandit, les petits ramènent des motos volées. Tourne pas trop vers le charbon car le patron va t'engueuler. Le patron va t'engueuler, le patron va t'engueuler, le patron va t'engueuler, le patron va t'engueuler, le patron va t'engueuler, le patron va t'engueuler. Poto où t'es, le pied dans le ghetto, je peux plus le quitter. J'ai bien idée que la juge va pas m'acquitter. Fais ton taf, dis à la daronne de pas s'inquiéter. Fais pas comme moi, vois ce que ça m'a coûté. Nanana, poto où t'es, le pied dans le ghetto, je peux plus le quitter. J'ai bien idée que la juge va pas m'acquitter. Fais ton taf, dis à la daronne de pas s'inquiéter. Fais pas comme moi, vois ce que ça m'a coûté. Savoir pourquoi je dors pas, pourquoi je retiens mes larmes, pourquoi je pleure pas, pourquoi je rigole quand ça fait pas rire. Pourquoi je sors tard, parce que la vie c'est pas simple. Y'a les problèmes de prison, des frères qui perdent la raison. Ça change d'amis toutes les saisons. Mais mon frère, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu le colles pour un Porsche. Mon frère, tu pleures pour une fille, y'en a qui pleurent pour un proche. J'ai le cœur dans le coma, j'ai trop de frères en promenade. J'ai envie de donner ma vie quand un pote se sent trop mal, ouais. J'ai plein de choses à dire, ouais. J'ai plein de choses à faire, j'sais que je toucherai jamais la lune. J'sais qu'un jour je quitterai la terre. C'est la nuit, je suis seul, je suis gazé. Je m'étouffe, je pense au passé. J'ai la haine quand ils me voient, ils font style, ils m'ont pas vu, ils font tracer. J'ai des problèmes à régler, mais c'est un peu comme fixer le soleil. Je trouve plus l'amour, je suis déboussolé. Je trouve plus le sommeil. Je trouve plus le sommeil. Poto où t'es, le pied dans le ghetto, je peux plus le quitter. J'ai bien idée que la juge va pas m'acquitter. Fais ton taf, dis à la daronne de pas s'inquiéter. Fais pas comme moi, vois ce que ça m'a coûté. Nanana, poto où t'es, le pied dans le ghetto, je peux plus le quitter. J'ai bien idée que la juge va pas m'acquitter. Fais ton taf, dis à la daronne de pas s'inquiéter. Fais pas comme moi, vois ce que ça m'a coûté. What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it get? What's it